Patience et persévérance. Il serait pertinent pour des gens sensés de méditer assidûment sur les motivations qui ont conduit ces premiers musulmans à faire preuve d'une patience et d'une fermeté hors du commun. Il est normal de se demander comment ils ont pu supporter des persécutions inouïes. C'est pourquoi nous jugeons sage de souligner de façon succincte les raisons d'un tel comportement. Premièrement, une conviction totale et inébranlable en l'unicité de Dieu et une conscience de Dieu authentique sont l'une de ces raisons. Lorsque la foi emplit le cœur, elle pèse aussi lourd que les montagnes. Celui qui porte la foi considère les difficultés de la vie, si nombreuses et intenses soient-elles, aussi minimes que l'action de l'écume flottant à la surface d'une pluie torrentielle qui ébranle barrages invulnérables et forts imprenables. Cela n'a guère d'importance pour celui qui connaît la douceur de la foi et de la certitude. Quant à l'écume, elle s'en va sur les rives en pure perte. Et quant à ce qui profite aux gens, il demeure dans la terre. Sourate 13, verset 17. De ce facteur dérivent d'autres qui viennent consolider la persévérance et l'endurance des musulmans, dont le deuxième, qui est l'amour sans réserve à l'égard du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, le grand guide de la communauté musulmane et plus généralement de l'humanité entière. Il fut un homme exemplaire de par son caractère parfait et ses nobles attributs. Nul ne peut être placé sur un pied d'égalité avec lui concernant la grandeur, la noblesse, le bien, les mérites, la chasteté, la loyauté et la sincérité. Cela a été reconnu de façon unanime et incontestée, même par ses ennemis. Abu Jahl lui-même, l'ennemi juré de l'islam, répétait souvent ceci. « Ô Muhammad, nous ne pouvons te traiter de menteur, mais nous disons plutôt que nous ne croyons pas à ce que tu as apporté. » Il a été rapporté que trois membres de Quraysh écoutèrent chacun séparément et en secret quelques versets du noble Coran. Plus tard, ce secret fut dévoilé et l'un d'eux demanda à Abu Jahl ce qu'il pensait de ce qu'il venait d'entendre de la bouche de Muhammad alayhi salatu wassalam. Celui-ci répondit « Nous rivalisons avec les Banu Abd Manaf en ce qui concerne l'honneur de détenir la direction de cette cité et d'exercer notre générosité envers les pèlerins. Et nous nous sommes partagés les privilèges de façon équitable. » Puis ils commencèrent à se vanter du fait qu'un prophète venait d'être suscité en leur sein, porteur d'une révélation divine. « Je jure par Dieu que nous ne croirons jamais en lui. » Dieu dit à ce propos, selon le sens du verset, « Or, vraiment, ils ne croient pas que tu es un menteur. » Mais ce sont les versets de Dieu, le Coran, que les injustes renient. Un jour, les négateurs de Quraysh adressèrent au prophète alayhi salatu wassalam à trois reprises une remarque cynique. Mais il garda le silence avant de leur répondre ainsi « Ô Quraysh, un grand malheur vous menace ». Les mécréants furent alors frappés de stupeur à cette annonce et leurs cœurs se trouvèrent remplis de crainte à tel point que les plus hostiles d'entre eux se mirent à tenter de réparer leurs insultes en se montrant plus polis à son égard. Lorsqu'ils jetèrent sur lui les entrailles d'un animal alors qu'il était prosterné en prière, il invoqua contre la vengeance de Dieu, et ils furent immédiatement saisis d'une inquiétude indicible, car ils étaient convaincus qu'ils seraient anéantis. Il invoqua Dieu contre Utba, fils d'Abu Lahab, qui ne douta point qu'un malheur allait le frapper. Ubay, fils de Khalaf, ne cessait de jurer qu'il tuerait Muhammad alayhi salatu wassalam. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam lui promit de le tuer si Dieu le voulait. Lors de la bataille d'Uhud, le prophète alayhi salatu wassalam le blessa au cou et il se souvint alors tout horrifié de la promesse du prophète sallallahu alayhi wasallam. Il dit à ce moment-là « Je suis sûr qu'il serait capable de me tuer rien qu'en me crachant dessus. » Se rendant un jour à la Mecque, Sa'd fils de Mu'adh dit à Umayya fils de Khalaf « J'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wasallam dire que les musulmans te tueraient. » Umayya fut extrêmement paniqué, il jura que jamais il ne sortirait de la Mecque. Même lorsqu'Abu Jahl l'obligea à se joindre aux autres polythéistes afin de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Badr, il acheta le chameau le plus vigoureux et le plus rapide de la Mecque afin qu'il puisse faciliter sa fuite. Même son épouse le mit en garde contre toute participation à une expédition contre les musulmans, lui rappelant les paroles de Sa'd et il lui répondit alors « Par Dieu, je n'ai aucunement l'intention d'accompagner les Qurayshites et je les quitterai peu après le départ. » Les ennemis du prophète alayhi salatu wassalam étaient ainsi hantés par un sentiment d'horreur et de terreur. Ses amis et compagnons, par contre, le chérissaient au plus haut point. Il était omniprésent dans leur cœur. Il était sans cesse prêt à le défendre et à assurer son bien-être, même aux dépens de leur vie. Un jour, Abu Bakr, fils d'Abu Quhafa, fut sévèrement battu par Utba, fils de Rabi'a, un polythéiste particulièrement virulent. Il saignait abondamment de toutes les parties de son corps et il risquait de mourir. Pourtant, lorsque les Banu Tamim le ramenèrent chez lui, choqué par la mésaventure qu'il venait de vivre, il jura qu'il ne mangerait ni ne boirait rien tant qu'il ne lui donnerait pas de nouvelles de son noble compagnon, Muhammad alayhi salatu wassalam. Il demanda à sa mère de se rendre auprès d'Umm Jamil, fille d'Al-Khattab, alors musulmane, pour s'enquérir de l'état de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Les deux femmes durent ensuite l'emmener d'elles-mêmes auprès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouvait dans la demeure d'Al-Arqam à As-Safa. Ses compagnons de la première heure étaient animés d'un esprit de dévouement et de sacrifice tout à fait authentique. Nous y reviendrons plus tard. Le troisième facteur, qui vient consolider la persévérance et l'endurance des musulmans, le sens de la responsabilité. Les premiers compagnons étaient pleinement conscients de la lourde responsabilité qu'ils avaient à endosser. Malgré les persécutions qu'ils subissaient, ils étaient convaincus de la nécessité de leur action prédicationnelle à laquelle ils ne pouvaient se soustraire sans risquer de plonger l'humanité dans un terrible désarroi. Quatrièmement, il est également nécessaire d'avoir une foi inébranlable en la réalité de l'au-delà. Tel était le levier essentiel qui soutenait leur sens aigu de la responsabilité. Il était en effet certain pour eux qu'un jour, le jour de la résurrection, ils auraient à se tenir devant le Seigneur des univers et à rendre compte de tous leurs actes d'ici-bas. Ils étaient convaincus que leur devenir dans l'au-delà ne dépendait que de leurs actions en cette vie et que ce dernier serait soit le jardin éternel, le paradis, soit le châtiment perpétuel en enfer. Toute leur vie était partagée entre l'espoir d'obtenir la miséricorde de Dieu et la crainte de subir son châtiment. Dieu dit selon le sens du verset « وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ » Ceux qui donnent en aumône ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à l'idée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Sourate 23, verset 60. Ils savaient bien que la vie d'ici-bas avec toutes ses joies et ses peines était insignifiante comparée à celle de l'au-delà. De telles convictions profondes les rendaient indifférents à tous les déboires et à toutes les épreuves qui ponctuaient leur existence terrestre. Cinquièmement, l'importance du Coran. Dans cette période critique et amère, les versets et sourates du noble Coran étaient les uns après les autres révélés, avançant avec une force d'attraction irrésistible les arguments et les preuves de l'authenticité des principes de l'islam, axe autour duquel gravitait la prédication. Ils indiquaient les fondements sur lesquels allait, conformément au décret de Dieu, être bâtie la meilleure des sociétés humaines, la société islamique. Les versets coraniques incitaient aussi les croyants à la patience, leur citant des exemples tirés de l'histoire des communautés anciennes et les initiant à la sagesse des épreuves qu'ils subissaient. Dieu dit, selon le sens du verset, « Avez-vous donc estimé que vous alliez entrer au paradis sans qu'il vous arrive à ce jour la même chose qu'à ceux qui sont passés avant vous ? Ils furent en fait touchés par les calamités et la misère, et ils furent tellement ébranlés que le messager et ceux qui avaient cru avec lui dirent « Quand donc viendra le secours de Dieu ? Quoi, le secours de Dieu est certainement proche. » Sourate 2, verset 214. Ou encore, selon le sens du verset, Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Alif, Lam, Mim. Les gens ont-ils pensé qu'on les laisserait dire qu'ils ont cru sans qu'ils ne soient soumis à l'épreuve? Nous avons effectivement soumis à l'épreuve ceux qui étaient avant eux, et Dieu saura assurément ceux qui auront dit vrai, et il saura certainement qui sont les menteurs. Sourate 29, versets 1 à 3. Une simple profession de foi prononcée du bout des lèvres n'est pas suffisante. Elle doit être confrontée aux épreuves de la vie, à toutes sortes de circonstances dans la vie individuelle comme dans les relations avec l'environnement, afin que soit démontrée notre capacité à œuvrer constamment sur la voie rectiligne. Il est nécessaire pour cela de donner la préséance à la volonté divine sur les penchants de notre ego. La douleur, la tristesse et le sacrifice de soi peuvent se révéler nécessaires parce qu'ils nous permettent de nous purifier, tout comme le feu d'un orfèvre permet de consumer les impuretés d'un métal. Ces versets ont apporté également une réponse irréfutable aux fausses allégations des incroyants, ainsi qu'un ultimatum clair et net, véritable annonciateur des terribles conséquences à venir s'ils persistaient dans leur égarement et leur obstination. Ils se sont appuyés sur les témoignages de l'histoire qui confirment la loi immuable de Dieu s'appliquant aussi bien à ses alliés qu'à ses ennemis. Ils ont usé également d'un style doux, montrant aux négateurs la direction dans le but de les détourner de l'égarement radical dans lequel ils vivaient. Le noble Coran dirigeait l'attention des musulmans vers un monde autre, les éclairant quant aux aspects de l'univers, à la splendeur et à la perfection de la divinité, aux effets de la miséricorde de Dieu et aux manifestations de l'agrément divin, les poussant ainsi à aspirer à accéder à ce dernier avec une telle intensité que rien ne pouvait les en détourner. Les versets coraniques annonçaient aux musulmans une miséricorde et un agrément venant de Dieu, ainsi qu'un paradis où les attend un bonheur perdurable. Dans le même temps, ils indiquaient la fin du règne des tyrans et des mécréants qui seraient exposés à la justice divine, puis amenés vers le feu où ils ressentiraient pleinement le goût de l'enfer. Et enfin, sixième source de la patience et de la persévérance des musulmans, les annonces du succès. Dès le début des persécutions, les musulmans étaient convaincus que l'entrée en islam n'était pas synonyme de malheur et de trépas. Ils savaient que la prédication islamique avait pour objectif d'anéantir l'ignorance, la jahiliya et son système injuste, et aspirait à la direction de la politique mondiale aux fins de conduire l'humanité vers l'agrément de Dieu et la libérer de l'adoration des hommes pour qu'elle soit vouée exclusivement à Dieu. L'annonce de la victoire certaine des croyants était faite tantôt explicitement, tantôt implicitement. Lorsque les musulmans étaient obligés de subir des contraintes ou quand leur vie était littéralement paralysée, venaient alors des versets narrant des récits relatifs aux prophètes passés, à leurs partisans et aux souffrances qu'ils avaient eues à endurer. Ils comportaient aussi des indications très suggestives quant à la fin tragique des incroyants mécois et à leur perdition finale, en même temps qu'ils rassuraient les croyants en leur promettant de faire d'eux les vicaires de Dieu sur terre et de faire triompher la prédication islamique. Nous allons ici citer quelques versets appartenant à cette catégorie, c'est-à-dire ceux empreints de promesses concernant la victoire ultime qui couronnerait la persévérance et la fermeté des musulmans. Dieu dit, selon le sens des versets, « En effet, notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs, les messagers, que ce sont eux qui seront secourus et que nos soldats auront le dessus. Éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps et observe-les, ils verront bientôt. Quoi ? Est-ce notre châtiment qu'ils cherchent à hâter ? Quand il tombera dans leur place, ce sera alors un mauvais matin pour ceux qu'on a avertis. » Sourate 37, versets 171 à 177. Et également, Sourate 54, verset 45, « Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute et ils fuiront. » De même, une armée de coalisés qui ici même sera mise en déroute. Sourate 38, verset 11. Et ceux qui, pour la cause de Dieu, ont émigré après avoir subi des injustices, nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. Et le salaire de la vie dernière sera plus grand encore s'ils savaient. Sourate 16, verset 41. Lorsque les Mécois interrogèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Joseph, Youssouf, alayhi salatu wa sallam, Dieu révéla la sourate de Joseph où il dit notamment « Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent, c'est-à-dire que les Mécois récolteront comme les frères de Joseph, alayhi salatu wa sallam, l'échec et qu'ils seront vaincus. » Dans une autre sourate, Dieu évoquant ses messagers dit, selon le sens du verset, Et ceux qui ont mécru dirent à leurs messagers, « Nous vous expulserons certainement de notre territoire, à moins que vous ne réintégriez notre religion. » Alors leur Seigneur leur révéla, « Assurément, nous anéantirons les injustes, et vous établiront dans le pays après eux. Cela est pour celui qui craint ma présence et craint ma menace. » Sourate 14, verset 13-14. Durant la guerre qui opposa les Perses aux Byzantins, les incroyants espéraient sincèrement la victoire des Perses, car ils étaient polythéistes, tandis que les musulmans priaient pour la victoire des Byzantins qui, eux, croyaient en Dieu, en ses messagers, en ses livres, en la révélation et en l'au-delà. Cette guerre se termina par une défaite des Byzantins. Dieu révéla à la suite de cela le verset suivant où était annoncée la victoire imminente des Byzantins ainsi que celle des croyants. Alif Lam Mim. Ghulibat ar-Rum. Fi أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Alif, Lam, Mim. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. À Dieu appartient le commandement, au début et à la fin, et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours de Dieu. Il secourt qui il veut et il est le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Sourate 30, versets 1 à 5, selon le sens des versets. Lors du forum de Oukaz, ainsi qu'à d'autres occasions, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, ne se contentait pas d'annoncer aux gens le paradis. Il leur disait ouvertement « Ô vous les gens, dites, nul n'est digne d'être adoré en dehors de Dieu. Vous récolterez le succès et vous régnerez et sur les Arabes et sur les non-Arabes. Et mort, vous serez couronnés rois au paradis. » Rabab, fils d'Al-Arat, a dit « Je me rendis un jour auprès du prophète alayhi salatu wa sallam alors qu'il était allongé à l'ombre de la Kaaba, la tête appuyée sur son manteau. Je lui dis « Que n'invoques-tu pas le soutien de Dieu ?» Il s'assit alors le visage pourpre et dit « Parmi ceux qui vivaient avant vous, on prenait celui qu'on voulait torturer, on l'enterrait ne laissant dépasser que sa tête, qu'on sciait en deux. Ou bien encore, on lui lacérait la chair avec des peignes de fer. Il ne reniait cependant pas sa religion. Dieu donnera la victoire à cette cause, l'islam, au point que le voyageur ira de Sana'a à Hadramaut, ne craignant que Dieu et les loups pour son troupeau. » Dans une autre version, il dit « Mais vous êtes impatients. » Ces annonces d'un avenir brillant pour l'islam et les musulmans n'étaient pas ignorées des incroyants au point qu'Al-Aswad, fils d'Al-Muttalib et ses compagnons, se faisaient des œillades et disaient « Voici venir à vous les souverains de la terre, ceux qui vaincront Khosroès et César. » Puis ils sifflaient et frappaient dans leurs mains. Les musulmans, quant à eux, étaient confiants dans l'avenir annoncé par le Coran et l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, et ils espéraient gagner le paradis, d'où leur persévérance face à toutes les sortes de persécutions et d'humiliations qu'ils devaient endurer, mais qui étaient comparables à de rares nuages venus assombrir un ciel d'été. Le prophète, alayhi salatu wassalam, de son côté, ne cessa d'irradier l'âme de ses partisans avec la lumière de la foi et ne ménagea aucun effort pour les élever spirituellement en leur enseignant la sagesse et le Coran. Il leur assura une éducation profonde, purifia leur cœur et leur caractère, les libéra du joug du matérialisme et les incita à résister à la passion et aspirer à Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre. Il illuminait leur esprit et les faisait sortir des ténèbres vers la lumière. Il leur apprenait à se montrer patient face au mal, à pardonner de la plus belle manière et à maîtriser leur ego. Leur attachement à la religion, leur désintérêt pour les passions et leur dévouement pour la cause de Dieu n'en furent que plus grands, recherchant l'agrément de Dieu et l'accès au paradis. Ils furent aussi plus versés dans la religion, demandèrent davantage de comptes à eux-mêmes, maîtrisèrent avec plus de vigueur leurs penchants et leurs sentiments, et s'en tinrent scrupuleusement à l'endurance, à la paix et la longanimité.